Et bonjour à tous. Et encore toutes mes excuses pour mon retard ce matin. J'ai raté le premier chant. Donc on continue sur le serment sur la montagne. Et aujourd'hui nous allons voir Matthieu 7. La semaine surpassée, on était sur Matthieu 6, le Notre Père qu'on a terminé, enfin presque terminé, ok, juste quelques versets. Et aujourd'hui on attaque Matthieu 7. Chapitre 7, versets 1 à 6. Donc je vais lire. Caponnette. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc voilà, au chapitre 7, il a été traité de notre relation avec Dieu. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Michel a fait un petit résumé, condensé en quelques mots de ce qui a suivi jusque-là. Donc on a parlé de notre position vis-à-vis de Dieu. On a parlé de notre humilité. On a parlé de notre obéissance, que ta volonté soit faite. On a parlé de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le chapitre 7 fait une petite parenthèse sur, non pas notre relation avec Dieu, mais de notre relation les uns avec les autres, notre relation avec l'autre. Et ici, donc, on commence la première chose la plus importante dans cette relation-là, c'est ne point juger. C'est quand même marrant. Hein, je reviendrai. Jésus utilise ici quelque chose qui est assez courant dans son enseignement. Une fois, Glenn a utilisé le mot oxymoron. Oxymoron ? Un oxymore ou... Oxymore. Non, bon, ok. C'est des mots savants comme ça. Mais Jésus utilise souvent ça. Ils utilisent souvent une hyperbole, une parabole, des paraboles, des hyperboles, des paradoxes. Ici, Jésus utilise ce qu'on appelle une hyperbole. Une hyperbole, c'est une image. C'est pas comme si. C'est une image exagérée. C'est une parabole exagérée pour faire passer un message. Et ici, ce qui est intéressant, avant de rentrer vraiment dedans, juste noter un peu quelques petits détails de ce qu'il dit qui est assez. Pas marrant, mais relever les hyperboles dans son message. Il y a un moment, il parle de poutre dans l'œil, poutre quand même. Il parle de donner les choses saintes aux chiens. Ces choses-là, pour nous, éventuellement, ça peut ne pas nous parler. Mais aux Juifs de l'époque et aux Juifs d'aujourd'hui, ça leur parle très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, la plupart du temps, en tout cas au Niger, un des pays d'où je suis, l'animal le plus vil, c'est pas comme ici le cochon. Souvent ici on dit tu manges comme un cochon, ah c'est un cochon, c'est sale, c'est machin. Au Niger, hein, c'est... J'essaie de comprendre ton mot vil, mais je ne sais. C'est vil, ah vil. Vilain, qui veut mauvais. Voilà, sale, c'est voilà. Et c'est cochon. Et donc l'animal le plus sale, le plus méprisable au Niger, c'est pas le cochon. C'est un pays musulman. On n'élève pas de cochons, en principe, il y en a quand même. On en mange aussi, mais ça, on ne le dit pas. Mais l'animal le plus méprisable, c'est le chien. D'ailleurs, au Niger, oui. D'ailleurs, au Niger, l'une des insultes les pires en germain, la langue de mon père, c'est « hansi ». Hansi, ça veut dire simplement « chien ». Alors, dans la culture sémite, que ce soit chez les Arabes, parce qu'on sait qu'on a été colonisé par un peu les Arabes et puis le Nord, « chien », c'est la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un. Et au Niger, il y a deux autres insultes qui sont encore pires que chien. Il y a Hansi Gere, qui veut dire la moitié d'un chien. Et là, c'est... Mais il y a pire. Il y a Hansi Toso, qui veut dire crotte de chien, merde de chien. Elle dit que tu n'es même pas un chien, tu n'es même pas la moitié d'un chien, tu es juste sa merde. Et là, c'est bon. Souvent, ça se termine en bagarre, cela dit. Ça se termine en bagarre. Et ce qui est intéressant, je vais vous lire... Un petit trois versets de Lévitique. Chapitre 6. Aaron et ses fils, on parle de l'offrande qui a été offerte en holocauste. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande, de l'holocauste. Ils le mangeront sans levain ou dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Là déjà, un, c'est pas tout le monde qui mange. Deux, on mange pas n'importe où. C'est pas vous allez rapporter sous le bras votre gigot et puis le ramener chez vous. Non, non, non. C'est dans le lieu saint que vous le mangez. C'est une chose sainte. C'est pas n'importe qui, c'est dans le lieu saint. C'est pas n'importe qui, c'est Aaron et ses fils déjà, et c'est dans le lieu saint. Et en plus, on continue. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation, comme le sacrifice de culpabilité. Et cette partie termine. Tout mâle, tout homme, c'est pas un peu macho, non? Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. D'entre les enfants d'Aaron, la famille du sacrificateur principal, en mangeront. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, quiconque y touchera sera sanctifié. Bon, ça c'est... Je ne sais pas commenter là-dessus, c'est autre chose. Mais c'est juste, c'était clair, les choses saintes, ce n'est pas tout le monde qui y touche. C'est pas le peuple n'y touche pas. Même le roi n'y avait pas droit. Même David. Bon, sauf une fois, il avait faim, il est rentré, il a mangé les pains. Bon, ça c'est une autre histoire, mais les sacrifices offerts en holocauste, les choses saintes, ils n'avaient pas droit. Personne, même pas le roi. Et là, il parle de donner ça à des chiens. C'est-à-dire qu'il dit, ne les donnez pas à des chiens. C'est vraiment, il a grossi le trait là, c'est vraiment épais. C'est vraiment pour faire passer un message. On comprend l'hyper. Ceux qui étaient là, ils ont dû ouvrir des gros yeux comme ça en entendant ça. Mais le message est passé. Donc on parle à des chiens. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les chiens. Bon, c'est vrai qu'en Occident, les chiens, ils ont leur écueil. Hein, ils ont leur petit plat. Dans certaines familles, les chiens mangent même à table. Mais en Afrique, les chiens, non. En tout cas, moi, quand j'ai grandi, les chiens, ouais, on mettait par terre. Hein. Ouais, on met par terre et puis ils mangent. Hein. Bon, de temps en temps, on prenait un vieux couvercle qu'on n'utilise plus, on met. Ça, c'est quand les gens étaient gentils, mais pourtant, les chiens, ils mangent par terre. Donc, non seulement le truc saint, on le donne à un chien, mais en plus, le chien, il va le traîner par terre, il va le manger par terre. C'est plus dans le lieu saint. Vous voyez un peu l'hyperbole qui est utilisé ici. C'est juste pour marquer les esprits, vraiment. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. On revient dans notre texte. Ne jugez point. Moi, je trouve que plus ça va et plus c'est difficile. Parce que, en tout cas dans les partages que nous avons, parce qu'au début, c'était heureux les débonnaires, heureux les humbles d'esprit, heureux. Bon, si je ne suis pas humble d'esprit, ce n'est pas grave. J'ai le temps d'y arriver. Je peux. Car ils hériteront la terre. C'est dans le futur. Les promesses étaient dans le futur. C'était un peu éloigné. Alors que là, on rentre maintenant dans le concret. On dit, aujourd'hui, voilà comment tu dois être. Voilà comment vous devez être. Voilà ce qui est bon de faire. Au passage, très important pour rappeler encore ce qui a été dit et redit. Ici, ça s'adresse à des gens qui ont accepté de le suivre. Ça s'adresse à, c'était pas à l'époque des disciples, mais déjà des gens qui acceptaient son enseignement, qui avaient accepté l'invitation. C'est pas à tout le monde. Donc ça devient de plus en plus quand même un peu tricky. Nous avons une tendance naturelle à juger les gens. C'est inné chez nous. Et en plus, je vais peut-être m'avancer un peu en disant que le jugement rentre dans notre processus interne de maturité. En tant qu'être, en tant qu'individu social, en tant qu'individu au sein d'une famille. Je vous explique pourquoi. Quand on est enfant, notre papa, c'est le plus grand de tous les papas, c'est le plus fort, c'est le plus machin. Pourquoi ? Ben, parce que, un, il est grand. Deux, il arrive à ouvrir une porte qu'on n'arrive pas à ouvrir. Il soulève des choses que l'on n'imagine même pas, on arrive à peine à les bouger. C'est notre papa, c'est le plus fort des papas, c'est le plus grand des papas. C'est notre papa à nous, il n'a pas de défaut, c'est comme notre maman. Dès qu'on parle mal de notre maman, on se fâche ou parce que c'est notre maman, elle prend soin de nous, elle nous nourrit, c'est la plus belle des mamans. Jusqu'à ce qu'on découvre Monica Bellucci. Mais bon, jusque-là, c'est la plus belle des mamans, etc. On a cette image idéalisée des parents. Mais petit à petit, l'enfant, à l'adolescence et à l'âge adulte, commence à c'est normal, à s'éloigner un peu de et à se rendre compte que ses parents sont des êtres humains. Mais ça passe par un petit jugement quand même. Hein. On commence un peu à remettre en cause les choix des parents. On se rebelle contre pourquoi vous habitez là ? Papa, pourquoi tu fais ce travail-là ? Maman, pourquoi est-ce que ceci, cela ? Toi, papa, ton travail, pourquoi tu te laisses faire par ce patron-là ? Moi, j'aurais... L'enfant ne comprend pas ou le jeune ne comprend pas que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. On ne peut pas toujours trancher, oui, non. Et Et ça, c'est dans un processus. C'est un processus de... On grandit comme ça. On remet... C'est pas qu'on indexe nos parents ou on est contre eux, mais intérieurement, pour s'éloigner, pour être des individus, des adultes, de nous-mêmes qui prenons nos décisions, ben, il faut bien qu'on ait vu et qu'on ait analysé les décisions qu'ont pris nos parents. Donc il y a quand même un jugement qui se fait là. On fait des choix et parfois on s'éloigne, parfois on change de pays ou parfois on prend un métier totalement, radicalement différent de celui de notre père parce qu'on ne veut surtout pas lui ressembler. Ça, c'est assez courant malheureusement. Et alors, après, on grandit. On commence à voir que la vie n'est pas en noir et blanc. Que la vie, parfois, il y a des zones grises. Parfois, il y a des compromis qu'il faut faire, qui nous plaisent un peu moins, mais parfois, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On ne fait pas réaliser tous nos rêves. Moi, j'aimerais bien aller faire le tour du Québec, moi. Aller 2 mois au Pôle Nord ou 2 mois à Coudjouac, là-bas, dans une tente, faire la forêt. Mais je veux laisser mes enfants et ma femme pendant X temps. C'est pas faisable. Donc, il y a des choses qu'on peut malheureusement pas faire, ou d'autres qu'on peut faire, etc. Et on grandit comme ça, et petit à petit, on commence maintenant à comprendre les parents. On comprend ce qui les a amenés à faire ça, pourquoi. Et ça, c'est aussi le chemin de la maturité. Une fois qu'on a pleinement compris, on a accepté ces choses-là, on est plus ou moins passé dans l'âge adulte. Et le prochain tour, ben, la boucle est bouclée, c'est nos enfants maintenant qui vont venir et nous juger. Mais ça, c'est une autre histoire. Le verbe juger, en général, comprend 2 notions, avec plus ou moins de variantes. Il y a le jugement pour évaluer et le jugement judiciaire. Le judiciaire au grand. On peut juger la qualité d'un tissu, on peut juger d'un plat, on peut juger, ou alors on juge un délinquant. Mais le jugement dont Jésus parle ici est un mélange de ces 2 notions-là. Il fait référence à être critique, à trouver la faute. Et souvent, notre schéma mental, souvent pour juger quelqu'un, cela dit, au passage, ça peut être en parole ou ça peut être simplement en pensée. Le chemin mental, c'est qu'on regarde, on dit, moi, à sa place, j'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Et là, on peut condamner. On s'évalue par rapport à nous-mêmes et ensuite on condamne. Parce que si on se disait que moi aussi, je pourrais faire ça, c'est difficile de condamner. Un alcoolique va difficilement condamner un autre alcoolique. C'est très difficile. Il est dedans. C'est très difficile de juger ses pairs, de juger les gens à qui on fait les mêmes choses. C'est très difficile de les juger parce qu'on les comprend. Une citation, je vais vous donner 3 citations, dont une que j'aime beaucoup, qui résume. C'est d'un monsieur qui s'appelle Alessandro Morandoni. C'est un historien italien contemporain. Il a dit, seul celui qui n'a pas faim est à même de juger de la qualité de la nourriture. C'est bien ça, hein? C'est seul celui qui n'a pas faim. Et c'est vrai. Quelqu'un qui est mort de faim, vous pensez qu'il va vous dire oui, un peu trop de coriandre, un peu de... Il va prendre ce qu'il y a devant lui. Est-ce que quelqu'un qui est mort de faim, on peut le mettre comme juge gastronomique? Qu'est-ce que lui va juger? Il a faim. Seul celui qui a faim. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que Jésus disait. Il dit, cette femme-là, on l'a trouvée en plein adultère. Enfin, on va là... La loi dit qu'on peut la lapider. Toi, tu dis quoi? Il dit, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. C'est compliqué. Le principe en lui, il est le même. Et là, ce Morandoni, n'est pas chrétien. Shakespeare non plus n'est pas chrétien. Mais il a dit, juger autrui, c'est se juger soi-même. Pourtant, ce gars-là n'est pas grand chrétien, mais même ceux qui ne sont pas chrétiens ont compris le principe de ça. André Malraux, dans son livre Les Conquérants, a dit, juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre. Puisque si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger. Je continue. Donc, il est dit ici, dans notre relation, il dit, ne jugez pas. Pourquoi? Je ne vais pas m'éloigner du texte, c'est le texte qui le dit. Jésus éloigne et énonce ici une règle universelle. Nous serons jugés avec la même sévérité que nous aurons nous-mêmes jugés. Il ne dit pas ici que ton voisin te jugera, ou que celui que tu as jugé te jugera. Il dit, vous serez jugés. Je suppose, et certains auteurs aussi, chrétiens, ont supposé qu'il parlait du jugement dernier ou du jugement divin, quoi qu'il en soit, à quel moment ça intervient, mais il parlait du jugement dont Dieu nous jugera. Ce qui est marrant, je ne sais pas, c'est pas marrant. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus, pendant tous ses discours, il énonçait des lois universelles. Ce n'était pas une philosophie exotiques. Pour eux, c'était nouveau. Mais c'était des lois universelles. Et parfois, une loi est difficile à cerner, est difficile à expliquer. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle une loi et il y a ce qu'on appelle des corollaires. On a une loi et des corollaires. Les corollaires, c'est les faits qui découlent de la loi. Ok ? Je prends par exemple une loi. On dit à un enfant, on apprend à un enfant, 1 plus 1 égale à 2. L'enfant apprend cette loi-là, 1 plus 1 égale à 2. Ok. On lui dit, si on met une personne dans une salle où il n'y a personne, et on rajoute une autre personne, combien il y en a ? L'enfant va simplement appliquer le raisonnement qu'on lui a donné de la loi et dire, ben, il y en a 2, parce que je me rappelle de la loi, 1 plus 1 égale à 2. Il y a la loi de la gravité, la loi de l'attraction universelle. Deux corps de masse différentes s'attirent proportionnellement au carré de la distance et de la masse, etc. etc. Daniel, tu te souviens de l'équation ? De l'équation ? Tu te rappelles de... Ouais, moi, non plus. Moi non plus. Alors, le corollaire, c'est tout objet lâché, boum, retombe au sol. Ça, c'est un corollaire. Le problème, c'est que les corollaires sont souvent plus faciles à expliquer que la loi. Parfois, une loi, si elle est un peu compliquée, elle est dure à expliquer. Du coup, on passe par les corollaires parce que c'est plus facile d'expliquer les corollaires. Et une fois que la personne a compris l'effet, on peut éventuellement lui expliquer la cause. Jésus, ce qu'il fait ici, c'est expliquer, c'est donner les corollaires. Plusieurs fois, il revient sur les mêmes points, il revient sur les mêmes points. Parce que derrière, il y a une loi qui est immuable, qui est universelle. Mais à des gens qui n'ont pas d'instruction, qui n'ont pas... La meilleure façon, c'est la parabole, c'est l'hyperbole, c'est l'image, c'est une certaine pédagogie pour les amener à comprendre quelque chose, quitte à le répéter plusieurs fois de manière différente. Pourquoi je parle de ça? Quand il dit, ne jugez pas, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et on vous jugera du jugement que vous mesurez, que vous jugez. Ça rappelle un peu Luc, dans « Donnez et il vous sera donné ». Vous vous rappelez de ce verset? Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Là, on parle du don. Beaucoup se sont servis d'ailleurs pour traire les brebis dans certaines églises. Ou j'ai aussi. Bref. Donnez, on vous donnera à tasser. Si tu donnes 10 000, ben, Dieu donnera 10 000. Donne 20 000, donnera 20 000. Si tu donnes tout ton salaire, tu verras. Et je connais des gens qui ont donné tout leur salaire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais la loi universelle, c'est la même. C'est ce que Jésus voulait expliquer, c'est cette loi qui est en fond. Tel que vous vous comportez avec les autres, on se comportera de la même façon avec vous. Tel que vous renvoyez, il vous sera renvoyé. J'aime bien moi appeler ça la loi boomerang. Nous sommes la mesure qui servira à nous mesurer. Et à mesurer pour nous. C'est-à-dire, comme si, simplement, pour résumer ces deux versets-là. Il fait plus que ça, il resserre sur les chrétiens. Il dit, on parle maintenant de ton frère. On dit, si tu vois, comment peux-tu toi ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi qui as une poutre. Bon, au passage, que ce soit la paille ou la poutre, on s'entend, hein, c'est des hyperboles, les deux. Parce que franchement, même une paille, je ne sais pas si vous avez vu une paille de blé, là, une paille, c'est quand même une petite paille, c'est ça. Une petite paille dans l'œil, bon, c'est quand même... La poutre, ça, c'est la parabole, c'est l'hyperbole de l'hyperbole, une poutre dans l'œil, bon, déjà même une poutre sur l'épaule, alors dans l'œil. Mais Jésus utilise cette hyperbole-là à dessein. Le fait que nous puissions discerner la paille dans l'œil de notre frère. Bon, au passage... Je me remets un peu en situation. J'ai ma poutre dans mon œil. Je ne sais pas comment je la porte là. Bon, ben, j'ai la poutre dans mon œil. Je me balade avec ma poutre. Et là, je vois mon frère, Daniel. Daniel a une paille dans son œil. OK ? Au passage, cette paille-là, depuis qu'il était chez lui jusqu'à ce que je le rencontre, personne ne l'a remarqué, sa paille, hein, au passage. Parce que c'est moi qui la vois. Donc il s'est baladé partout, ce petit truc qu'il avait dans l'œil. Là, personne ne l'a remarqué. Il n'y a que moi qui ai une grosse poutre dans l'œil, c'est un peu. Et le fait que moi je remarque cette paille en dit beaucoup sur moi. Comme, qu'est-ce que ça dit sur moi? Un, cette paille, personne ne l'a remarqué. Sinon, je ne le verrais pas avec, il l'aurait enlevé depuis longtemps. Alors le fait qu'il vienne devant moi et que moi je vois cette paille-là, ça dit une chose. Ça dit que je m'y connais en paille. Et on s'entend ici, hein. Paille ici, c'est, on parle de faute, on parle d'un péché, on parle d'un manquement, on parle d'une faiblesse, on parle d'un petit vice caché. C'est les petits trucs qu'on aime souvent bien détecter chez les autres, hein. C'est croustillant ça. Et c'est ça les pailles. Hein. Ah, t'as un petit truc là, ça machin. Il faut que je m'y connaisse en paille. Je me rappelle quand on était petit, à l'école primaire, c'était au secondaire. Avec un ami, il y avait une blague qu'on aimait faire. Quand il y avait un groupe d'élèves, on venait au milieu du groupe d'élèves, et soit moi, soit lui, il y a un de nous qui disait à l'autre, « Oh, mais vraiment, c'est incroyable quand même. Le pipi, mais c'est sucré !» Et là, à tous les coups, il y en avait un. « Ben non, c'est salé !» Hein, c'est vicieux, hein. C'est vicieux. Et là, tout le monde le regardait. Bon, j'en suis pas fier. C'est pas rigolo. Mais en gros, c'est ça. Et le premier qui disait, tout le monde disait, mais comment tu sais? Ben, il a goûté. C'est ça. Si je suis passé maître dans l'art de détecter les pailles, c'est que moi, je m'y connais. Et manifestement, ce type de paille-là ne m'est pas étranger. Souvent, la plupart du temps. Deuxièmement, Jésus dit ici que si on le fait, c'est souvent parce qu'on en a une beaucoup plus grosse à cacher. Parce qu'ici, il nous traite d'hypocrite. Il me traite d'hypocrite. Si moi j'ai une poutre et puis je vois la paille. Si je suis hypocrite, c'est-à-dire que le fait que je propose de l'enlever, ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose derrière. C'est ça un hypocrite. Ce qui est en face, là, c'est n'est pas vraiment ce qui est dedans ou ce qui est derrière. Il y a des couches et des couches comme une lasagne. Pardon. On m'a raconté un jour une histoire. Un monsieur qui était dans un train et il était en première classe. Le contrôleur arrive pour contrôler les billets. Billet, contrôle, elle prend, clac, billet, clac, billet, clac. Le contrôleur arrive à ce monsieur-là. Et ce monsieur le regarde et s'offusque. Il dit, monsieur, vérifiez le billet de ce monsieur en face de son voisin. Et le contrôleur qui demande à son voisin, et le voisin qui sort son billet, c'est un billet bleu. Les billets de la première classe, c'était des billets mauves. Il dit, monsieur, vous avez un billet bleu? Pourquoi est-ce que vous êtes en première classe? Puis le monsieur gêné dit, retournez en seconde classe. Le monsieur s'est levé et retourne en seconde classe. Et le contrôleur qui remercie le monsieur d'avoir dénoncé ce fraudeur-là. Puis bon, pour la peine, il ne prend pas le temps de composter son billet. C'est un honnête homme, ce monsieur-là. Et on a le voisin du délateur qui est impressionné, qui dit, mais waouh, comment vous avez su qu'il avait pas le bon billet? Il dit, j'avais le même. C'est ça qu'il a reconnu. C'est juste une histoire qui illustre bien. Troisièmement, qu'est-ce que ça dit sur moi? Au début, quand on a commencé les béatitudes, on a commencé par heureux les humbles. Et on avait dit que quelqu'un de humble va être doux. Heureux les humbles, les doux et les débonnaires, va être doux envers les autres. Parce qu'il se voit de manière réaliste ce qu'il est, son état. Alors il ne peut pas regarder les autres de haut, ni même être condescendant envers eux. Parce qu'il sait ce qu'il est réellement. Il a une position humble. Et là, on a l'antithèse. C'est parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Pour reprendre, si on comprenait, on ne jugerait pas. C'est parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes que, dans le fond, on ne se rend pas compte que parfois on oublie ou on fait semblant de ne pas voir la poutre qu'on a, qu'on peut juger les autres et proposer d'ôter la paille. Au passage, Jésus ne dit pas que ce n'est pas bien de ne pas ôter la paille. Il faut quand même ôter aussi la paille. Mais je dis non, le problème, ce n'est pas la paille de l'autre. C'est bien de l'ôter, c'est bien de proposer, c'est bien d'aider. Mais le problème, c'est d'abord toi. Règle tes problèmes d'abord et ensuite tu pourras être plus à même de régler ceux des autres. Il y a une histoire que je recherchais. C'est une histoire juive. C'est une de ces histoires paraboles que les juifs se racontent entre eux. Dans beaucoup d'écrits juifs, cette histoire-là est souvent reprise. C'est une parabole communément utilisée. Je l'ai recherchée parce que je l'avais entendu il y a quelques années, quand je suivais une émission, tous les dimanches, j'avais une émission juive qui passait à la télé en France, et je la suivais assez régulièrement, ça s'appelait Parole de vie. Et il y avait un rabbin, j'oublie son nom, qui animait cette émission-là. C'est vraiment très intéressant. Et un jour, un des rabbins qui a été invité a raconté cette parabole-là qui est assez reprise parmi eux, qui est reprise dans leur communauté. C'est l'histoire du rabbin Josué ben Lévi. Ouais, on voit que c'est une parabole quand même. Hein. Ça s'appelait Josué ben Lévi. Bon, quand même. Bref. Je vous lis l'histoire. Ça vous intéresse? L'histoire. Elle est très instructive. Elle est très instructive. Rabbi Josué ben Lévi décidait ardemment voir le prophète Élie, qui parcourt incessamment la terre, et savoir ce qu'il faisait dans ses voyages. Son vœu fut exaucé. Il rencontra le prophète et lui demanda de l'accompagner. « Je te le permets, dit celui-ci, mais tu ne resteras pas longtemps avec moi, parce que tu verras des choses que tu ne pourras pas supporter. » Il se mit en route et fut reçu à la fin du premier jour chez des gens très pauvres, qui n'avaient que pour tout bien une vache, mais qui les hébergèrent aussi bien qu'ils le purent et avec beaucoup d'honneur. Dans la nuit, Élie se releva et tua la vache. Pas sympa cet Élie-là. Le lendemain, ils demandèrent asile à un riche qui ne le regarda même pas. Il ne leur donna ni à boire ni à manger et il leur accorda à peine un gîte. Ce riche faisait travailler aux fondations d'une maison qu'il construisait. Il y avait un chantier. Au milieu de la nuit, Élie se leva. Il entoura d'une corde le terrain en construction. Et sous ses mains, un palais magnifique sortit de terre. Le jour d'après, ils arrivèrent dans une grande ville dont les habitants les reçurent fort mal. « Je souhaite que tous vos fils deviennent chefs, » leur dit Élie en les quittant. Dans la ville qu'ils atteignirent le lendemain, ils trouvèrent des citoyens honnêtes et bons qui les accueillirent aussi bien que possible. Le prophète, en prenant congé d'eux le matin, leur dit « Je souhaite que de tous vos fils, un seul arrive à être chef. » Rabbi Josué, qui murmurait depuis longtemps, ne put se contenir. Il dit « Est-ce bien Élie, l'envoyé de Dieu que j'accompagne ? » s'écria-t-il. Il égorge la vache des pauvres gens pleins de charité. Il construit un palais à un riche inhospitalier. Il souhaite la plus haute fortune aux habitants d'une ville qui nous accueille avec dureté et le malheur à celui où nous sommes bien reçus. Il dit « Je t'avais dit, répondit le prophète, que tu ne pourrais longtemps rester avec moi. Je te quitte. Mais je vais d'abord t'expliquer ces actions qui te surprennent et qui me sont commandées par Dieu. Le pauvre homme du premier jour aime sa femme par-dessus tout. Elle devait périr. Elle devait périr cette nuit même. Et je la lui ai conservée en prenant en échange la vie de la vache. En creusant ses fondations, le riche aurait mis à jour un immense trésor. J'ai élevé ce palais qui s'écroulera un de ces matins et qui l'empêchera de trouver des richesses dont il aurait fait mauvais usage. Il dit, j'ai souhaité à ces mauvaises gens d'être tous chefs parce que dans une cité où il y a beaucoup de chefs, rien ne va bien. Il dit, j'ai souhaité un seul chef aux gens parce qu'il n'y a d'ordre et de bon gouvernement qu'avec un seul chef. Il disparut à l'heure et Rabbi Josué ben Lévi comprit son œuvre et les mystérieux jugements de Dieu. Pour reprendre la citation de Malraux, juger c'est de toute évidence ne pas comprendre, puisque si on comprenait, on ne jugerait pas. Jolie histoire, hein? J'ai bientôt fini. Bon, tout ça c'est bien, c'est beau. Moi je ne suis pas comme vous, je suis quelqu'un de profondément rebelle. Mais quand juger ces justes-là, on fait quoi? Est-ce que vous me comprenez? Quand je suis sûr que la paille qu'il a là, moi je n'ai pas une poutre équivalente. Un meurtrier là, un gars qui est un meurtrier, moi est-ce que j'ai une poutre de meurtre moi dans mon œil? Qu'est-ce qui m'empêche de dire que c'est pas correct ce qu'il a fait? Et si c'est un grand criminel? J'ai pas le droit de dire que c'est un grand criminel, c'est un délinquant ce gars-là, c'est un meurtrier. Je ne vais pas dormir avec lui dans une même maison parce que je risque de me retrouver la gorge ouverte. Il était reconnu meurtrier, il a été jugé pour. Qu'est-ce qui m'empêche aussi de dire que j'ai pas confiance ce gars-là, c'est un meurtrier, je ne lui fais pas confiance. Oui. Si le crime est trop horrible pour que je ne puisse pas m'empêcher de juger, et si c'est Guy Turcotte qui a assassiné ses deux enfants, avec combien de coups de couteau en tout? Je ne vais même pas compter. 19 pour l'un. Et vous vous rendez compte des petits bouts de chou? Et ce gars-là, on voudrait qu'on me dise ne juge pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas juger? Qu'est-ce que... Je veux dire que finalement, je veux dire que ce gars-là est bien? Manifestement, il n'est pas bien. Il a un problème, ce type-là. Manifestement, s'il n'a pas hésité à tuer comme ça ses enfants, qu'il connaissait, qu'il chérissait, moi qui ne connais pas, qui ne chéris pas, je ne serais pas à l'aise de m'asseoir à côté de lui. On dit, mais... Et quand c'est juste de juger, quand c'est conforme à la justice de juger, pourquoi moi je ne jugerai pas? Bah, vous suivez ces questions? C'est pas pour vous choquer, hein, mais moi c'est des questions que je me pose là. Ne jugez pas, mais il y a des fois, franchement, non. Bon, hein, on aurait quand même envie de... Petite baffe chrétienne quand même. Bon, tout d'abord, je répète encore une fois que l'injonction de ne pas juger, le serment sur la montagne a été donné aux gens qui ont été invités, qui ont reçu l'appel, qui ont... Donc ça ne s'adresse pas aux gens du dehors. Et en plus, ici, on nous dit, on parle de la paille qui est dans l'œil de ton frère, ça concerne nos frères, ça concerne les membres. Bon, frère, je ne sais pas si c'est que la communauté, mais frère élargi. Et là, j'entends une mauvaise langue qui dit, ouais, mais si Dieu dit Guy Turcotte, là, si c'est mon frère, hein, si on a dans la même église, hein, c'est possible aussi. Comment concilier le fait que condamner un tel crime est juste et ne pas juger celui qui l'a commis? Comment faire la différence là? Parce que c'est facile souvent de dire, on juge, moi aussi je l'ai dit souvent aussi au passage, hein, c'est pas dire que c'était intelligent. Non, il faut juger le péché et pas le pécheur. Bon, ouais. Je l'ai dit souvent aussi, hein, mais à coup le pas, hein, je me donne une tape. Parce que franchement, des fois, juger le péché et ne pas juger le pécheur, c'est possible. Mais c'est méchamment difficile. C'est vraiment difficile. Et dedans, il y a des cas comme ça, où il n'y a pas de réponse juste. Parce que la justice n'a rien à voir. Et là, je ne parle pas de justice judiciaire, la justice de l'homme. Là, je parle même de justice divine. Enfin, si ça a un peu à voir, mais c'est autre chose. Ça prend quelque chose qui est au-delà de la justice. Parce qu'il y a des choses que même la justice divine condamne. Le meurtre, quel qu'il en soit, surtout de petits enfants innocents, c'est condamnable. Que ce soit les hommes ou la justice de Dieu, c'est condamnable. Bon, ce monsieur a été reconnu irresponsable, je ne sais pas comment c'est passé, mais ça a soulevé, moi j'ai vu que à la télé, dans les journaux, le tollé général que ça a soulevé, parce que même dans les tripes, les gens, c'est des choses que c'est inadmissible. Et qu'on lui dise que non, c'est parce qu'il a perdu la tête, qu'il machin, c'est quelque chose qui a été vraiment difficile à accepter. Et même récemment, il y avait encore eu des marches de soutien à la maman. Il dit, mais là, même la justice divine, on se dit, mais, oh, hey, là, ça prend quelque chose qui est plus fort que la justice, quelque chose qui est plus haut que la justice. Ça prend une autre loi. Ça prend une loi qui est au-delà de la loi de la justice. Ça prend un autre principe qui est au-delà du principe de justice. Ce principe-là, c'est la miséricorde. La miséricorde n'a rien à voir avec la justice. La miséricorde, faire miséricorde, c'est quelqu'un qui a droit à la condamnation, dont la condamnation est juste, alors on fait miséricorde. Jacques, chapitre 2, dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Est-ce que vous voyez encore la même loi qui revient, en fait, encore une fois? On parle de juger, tu seras jugé. On parle de donner, on te donnera. Donne pas, on te refusera. On parle de fais miséricorde, on te fera miséricorde. Tout ça, ce sont des corollaires. Mais la loi de base, elle est la même. Comme tu veux être traité, traite les autres. Et ici, c'est quelque chose qui vient au-delà de la justice. On peut juger les autres. Parfois, on est dans notre bon droit, c'est vrai. Parfois, on est dans notre bon droit. Parce que selon la justice divine ou la justice des hommes, ça, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Parce que si Dieu nous avait traités avec la justice, là, Jésus ne serait jamais venu. Il serait jamais mort pour la croix pour nous. Parce qu'on ne le méritait absolument pas. Tout ce qu'on méritait, c'est la condamnation. C'est par miséricorde qu'il est venu, par amour. C'est un principe qui va au-delà, simplement, du simple de la simple justice. Pour terminer, les choses sacrées aux chiens. Pour revenir, je vous ai déjà parlé de l'hyperbole du début. Cette partie-là vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça casse un peu tout petit peu le rythme. Je ne suis pas sûr de savoir de quoi il parlait exactement. Est-ce qu'il y avait un sujet particulier qu'il voulait pointer? Est-ce qu'il y avait un événement qui s'était passé où il disait ne donnez pas vos perles aux chiens? Est-ce qu'il y a eu une pause entre le jugé, les gens sont allés manger ou sont allés se balader, on fait une petite sieste, et puis il y a l'événement qui s'est passé, il a voulu rebondir dessus pour commenter. On ne sait pas trop pourquoi est-ce que ça vient là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les vérités bibliques, les vérités bibliques, les enseignements de toute une vie, nous sont donnés par révélation. Toujours par révélation. Je m'explique. On peut lire, on peut être enseigné, on peut assister à des séminaires, on peut participer à la vie d'une assemblée, on peut entendre des partages, entendre des messages. Mais ce qui nous fait grandir, c'est la révélation. On aura beau nous dire pendant 20 ans, pendant 30 ans, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Si l'esprit ne nous ouvre pas l'intelligence, c'est quelque chose qu'on va comprendre là. On ne le comprendra jamais là. Ça prend une révélation. Est-ce que vous connaissez le « aha » africain? Non. Je vais vous expliquer ce que c'est que le « aha » africain. C'est un coopérant au Niger qui expliquait à un autre coopérant qui venait pour enseigner les élèves. Il dit, je vais te donner un truc ici. Tant que tu n'as pas entendu le « aha », continue à expliquer. Parce que la plupart du temps, et ça c'est vrai, j'ai mon temps en classe, quand je donnais classe, il y a un moment où il y a toujours un qui dit « aha ». Là, ça veut dire que « ok, c'est bon, c'est compris ». Parce que si tu lui poses la question, tu as compris, il dira « oui, oui, oui ». C'est par simple politesse. Parce que si tu dis non, c'est parce qu'il te remet en cause, c'est une insulte, c'est comme s'il te remettait en cause ta capacité à lui enseigner. Il dira jamais non. Un élève dit toujours « ben, oui ». Mais quand l'élève dit « aha », ça veut dire là, ça y est, c'est rentré. C'est ça en fait. C'est ça. Exactement. Et la révélation, ce qu'elle fait, elle nous fait le « aha ». Ça prend une révélation. Les choses les plus simples, même que d'autres personnes peuvent facilement, pour que ça rentre vraiment et ça nous fasse grandir, c'est par révélation que nous devons être nourris. Et ces choses-là, ce sont des perles. Ce sont des choses, c'est un trésor. C'est un peu comme des choses saintes. On ne doit pas manger ça n'importe où. On doit manger ça dans le lieu saint. Avec nos fils, avec nos filles. On doit manger ça. C'est pas n'importe qui doit avoir affaire à ça. C'est des choses inestimables qu'on reçoit de la part de Dieu. Et vouloir parfois à tout prix les partager avec des personnes qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas d'importance, c'est prendre le risque que ces révélations soient négligées ou dégradées ou complètement critiquées ou moquées. C'est ça en fait. C'est aussi l'art de dire non des fois aussi. Dans la volonté de vouloir aider les gens, de vouloir enseigner, de vouloir partager son expérience. Parfois, il faut aussi dire, laisser aussi les gens faire leur chemin. Parce que des fois, ils sont à une étape où c'est l'étape cochon. Tu leur donnes cette étape, à l'étape cochon, tu leur donnes, ben écoute, ils vont le piétiner et puis ils vont rien en faire. Il y a un proverbe africain au Niger qui dit que l'expérience est une lampe qui n'éclaire que de le dos. C'est vrai ça? L'expérience, c'est une éclair que derrière, en fait. Ça éclaire rarement devant. Et souvent, les gens qui sont en face de toi, ça leur sert souvent quasiment à rien. Tu vas leur parler de ton expérience, ils vont dire oui, mais écoute, ils feront la leur, eux aussi. Et à leur tour, ça éclairera leur dos aussi. Mais ça ne sert qu'à ça. Donc, je vais m'arrêter là. Pas vous gaver plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Merci.